de maison. Sa vie n'était que joie et de bonheur, et pourtant au fond de son cœur, il voulait devenir grand et peut-être un homme. Chaque soir il y pensait quand sa maman lui berçait. Donna, donna, donna, donna, tu regretteras le temps. Donna, donna, donna, donna, où tu n'étais qu'un enfant. Il était une fois un petit garçon qui vivait dans une grande maison. Ta vie n'était que joie et de bonheur, et pourtant au fond de son cœur, il voulait devenir grand et peut-être un homme. Chaque soir